Je vous propose de nous remettre en train en revoyant un certain nombre de choses que vous savez probablement déjà au sujet des verbes anglais et de leur prononciation. Comme le soulignait Michel Thomas, conjuguer les verbes anglais est d'une simplicité enfantine, car pour commencer avec le présent, il n'y a qu'un petit changement de rien du tout dans les terminaisons. I live, you live, we live, they live, mais he, she ou it lives. Donc avec il, elle ou ça, on ajoute un S à la fin du verbe. Or ce S, il faut penser à le prononcer, comme dans les exemples vus dans la première partie. He looks young et she looks so serious. Les personnes de langue française ont tendance à oublier de prononcer ce S final, puisqu'en français il est muet. Comme par exemple quand on dit tu travailles toute la journée, le S à la fin de travail, tu travailles, ne se prononce pas. Bien, alors vous savez peut-être que seul se dit alone, A-L-O-N-E. Alors, comment direz-vous en anglais il travaille seul? He works alone. He works alone. Vous entendez bien ce S à la fin de he works. Works. Et elle travaille dans un restaurant? She works in a restaurant. She works in a restaurant. Bien. Alors, sachant que tous les jours et chaque jour se disent tous les deux every day, comment dira-t-on elle travaille tous les jours? She works every day. She works every day. Et il travaille à la maison? He works at home. He works at home, littéralement à maison et non à la maison comme en français. Alors sachant que dans un bureau se dit in an office, comment dit-on elle travaille dans un bureau, mais il reste à la maison? She works in an office, but he stays at home. She works in an office, but he stays at home. Remarquez que le S final se prononce S dans She works et Z dans He stays. Tout dépend du son final du verbe nu, c'est-à-dire du verbe sans tout. Mais vous n'avez pas à vous en soucier car vous prononcerez naturellement le son qui convient. Tout simplement parce que vous auriez du mal, et moi aussi, à prononcer she works or he stays. Alors, vous connaissez déjà to drink, boire, ainsi que coffee, CO2F2E, et tea, TEA, qui désignent respectivement le café et le thé. Je voudrais préciser ici que pour dire du café ou du thé, on dira coffee tout court et tea tout court. Alors, elle boit du café, mais il boit du thé, ce sera. She drinks coffee, but he drinks tea. She drinks coffee, but he drinks tea. Remarquez qu'ici, nous sommes en train de parler d'actions habituelles, d'actions que l'on fait généralement, generally, ou fréquemment, frequently. C'est pourquoi on emploie la forme simple du présent. She drinks, he drinks. Bien, alors on a vu que le S final peut se prononcer S, comme ici dans he drinks ou Z, comme dans he stays. Et il y a également une troisième prononciation possible, c'est is, comme par exemple dans le cas du verbe danser, to dance, D-A-N-C-E. Et donc, il danse très bien, se dit he dances very well, avec un son is à la fin. He dances. Alors, prenons un autre exemple. Comme vous l'avez peut-être vu dans les méthodes Arabs Michel Thomas, le verbe finir en anglais ressemble au français puisque c'est to finish, F-I-N-I-S-H. Bien, donc se terminer ou finir se dit to finish. Alors comment direz-vous ça finit, ça se termine? It finishes. It finishes. On retrouve le même son final is que dans he dances. Vous avez peut-être aussi appris avec Michel Thomas à dire 7 heures, 7 o'clock, 10 heures, 10 o'clock, et ainsi de suite. Donc, avec les heures, on ajoute o'clock. Alors, comment direz-vous, le film se termine à 10 heures? On avait vu que pour dire film, on pouvait dire movie ou tout simplement film. The film finishes at 10 o'clock. The film finishes at 10 o'clock. Ça, c'est ce que dirait un Britannique. Mais vous, Vincent, à la place de film, vous utiliseriez plutôt movie. Movie, oui. Donc, the film ou the movie finishes at 10 o'clock. Alors, sachant que promettre se dit to promise, P-R-O-M-I-S-E, comment direz-vous « elle promet de le faire » She promises to do it. C'est ça. She promises to do it.